Bonjour, ici c'est Francis Ouellet. C'est encore le dos, ah oui. Ah oui, et Jean-Michel Bertillon. Du 7e Antiquaire, une émission de cinéma aux proportions cosmiques sur les ondes de Choc FM. Vous écoutez le podcast... Les accros des jeux, avec Big Ben. Antithèse. Et Retro Gamer RPG. Avec Marie-Lune et Testeur Alpha. ...2013 sur Super Mario Bros. 3, on commence ça dans 5 secondes. En passant, c'est Marie et Testeur à la fin. Ok! 3. Salut tout le monde, c'est le Big Ben! Et Antithèse! Marie-Lune! Et Testeur Alpha! Et Rétro, qui ne parle plus ou moins aujourd'hui, notre cher ami... Il y a ami, que pour parler pour lui, fait que c'est... Moi, j'ai oublié de parler, j'avais oublié d'enlever mon truc de mute. Ah, on parlait pour... à l'avant. Rétro Gamer PQ! Pour le et podcast Kirby. Des accros... Avec mon ami Kirby. Avec son ami Kirby. Pour le podcast des accros, l'édition du 29 avril 2013, spécial Mario Bros 3, qu'on va chanter un petit peu plus tard à la fin. Du podcast, mais entre-temps, on s'est le temps de jaser entre nous autres. Comment ça va? Hey, Big Ben, devine quoi? Oui, devine quoi? Moi qui tombe en vacances! Après 2 ans et demi. Wouhou! Youhou! Oh my god, je suis motivé pour tout. Je suis motivé, je suis très heureux. Le gros smile. C'est un bag, j'ai pas eu ça. Mais non, pourquoi? J'en connais un qui va dormir pendant une heure, pendant une demi-journée complète. Oui, moi. Oui, ça va être mon cas. Rétro Gamer, toi, mon grand malade, comment tu vas? La grippe de marde, puis veux-tu savoir quoi? Tu veux savoir quoi? Ah, je voulais juste savoir comment tu allais. Je suis la grippe de marde. Ok. Testeur, toi, quoi de neuf? Moi, ça va numéro 1. Je viens d'écouter le dernier épisode du Joueur du Grenier, puis j'ai adoré. J'ai pas encore eu la chance de l'écouter. Moi non plus, j'ai hâte de l'écouter. Je vais l'écouter après le podcast, moi aussi. Fait que Joueur du Grenier va avoir 4 écoutes de plus après le podcast. C'est bon. C'est même plus. Non, mais il est tellement bon en plus, là. Toi, Marie-Lune, comment ça va? Ça va bien, un petit peu pas beaucoup de voix aujourd'hui, mais sinon ça va bien. J'ai commencé à faire du pixel art en fin de semaine. Oui, on a commencé ça. Oui, et voici le résultat. Ah, je dois dire aux fans qui nous écoutent en audio. Dans le fond, c'est un petit cœur de vie de Link, de Zelda. Voilà, il est tout rouge et c'est pas mal ça. Puis il a une certaine perspective, c'est vraiment bien. C'est très beau. Ah, oh, ben moi aussi! Moi aussi, je me suis mis au pixel art. Ça a sorti ça. Un œuf de Yoshi. Un œuf de Yoshi, un petit peu. Crush. J'ai pas mieux fait ma blonde, mais je travaille prochainement pour en faire des plus beaux. Et on va en commencer tranquillement à en faire. Si jamais ça vous intéresse en nous en acheter, on va vous dire comment qu'on va faire ça, les prix et tout ça. Mais en ce moment, c'est un projet personnel qu'on tenterait de faire avec moi. Puis on sait jamais. Ça va peut-être se développer. C'est aussi clair que ça avait été précédemment discuté. Excuse-moi? C'est aussi cher. Ça coûte cher sur le coup, parce que veux pas, faut s'équiper, mais ça va durer longtemps. Nous autres, on a acheté pour un bon montant, je te dirais, mais à la fin, je pense que ça va nous durer quasiment pour une demi-année sans problème. Ah, c'est bon ça. Mm-hmm. Puis c'est sûrement ça que je vais faire plus clair de mon temps, parce que moi aussi, la semaine prochaine, je tombe en vacances. Fait que je vais prendre du temps pour vraiment relaxer et faire ça aussi entre-temps quand je vais m'ennuyer. Qu'est-ce que vous avez joué dernièrement? Je vais commencer avec Marie-Lune. T'as-tu que t'as joué un petit peu ces temps-ci, toi? Pas beaucoup. Je dois avouer, j'ai slacké sur le jeu vidéo cette semaine. Par contre, j'ai joué un petit peu à WoW, mais sans plus. Puis j'ai plus joué sur mes petits jeux de iPhone que d'autres choses pour passer le temps. C'est pas mal tout ce que j'ai fait. J'ai plus lu que j'ai joué à des jeux vidéo. Antistage de ton côté, qu'est-ce que tu joues ces temps-ci? Ben là, vous avez vu ma critique sur No More Heroes. Oui! Évidemment, ça m'a donné le goût moi-même. Passer une partie de ça, No More Heroes. Alors, merci beaucoup dans No More Heroes. Avec Trinity, God of War. Sans compter qu'au DS, écoutez, je me suis acheté un jeu qui ça faisait un bail, c'est niaiseux. Ça a aussi un peu rapport sur aujourd'hui, je trouve, à certains points. J'ai retrouvé le jeu de Super Mario World, qui est dans le fond de Super Mario Advance 2 pour Game Boy Advance, qui est incidemment un des plus tough à trouver. Fait que je passe également beaucoup de temps dessus. Puisque j'ai terminé Castlevania Mirror of Fate, j'ai commencé à jouer un petit peu. Mais en fait, j'ai pas commencé à jouer, je recommence une game real time de Chanté 2. Comment t'as trouvé la fin de Castlevania? Tu parles de Mirror of Fate? Ouais. Écoute, dans son approche narrative, c'est assez bien fait, je trouve. C'est assez bien construit. Dans son approche, ça donne le goût plus de me procurer Castlevania 2. Là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va arriver. Parce que les gens ça savent peut-être pas, c'est la seule gâchée que je fais sur Castlevania ou P3 Retro Retro si tu trouves que c'est trop. Non. Non. Non, c'est pas un gâcheur, c'est juste un. Non. Non. Est-ce que ça sort? Non. Ok, moi le dire ça. Non. C'est pas raconté. Non, t'as raison, ben je le dirai pas. En ce moment, j'ai des pitons pour te muter. Je tenais à une seconde de te muter. Parce que je veux. Oserais pas. Je vais m'acheter le Lord of Shadow dans pas long parce que je veux vraiment me lancer là-dedans le plus tôt possible. Fait que. Ouais, là, tu parles. Le premier, là. Le premier, je l'ai pas, moi. T'as pas le premier? Ben non. Ok. Excuse-moi. Non, pas terrible. Mais non, mais. Je suis sûr que ça. Moi, je trouve que. Je laisse ce que j'ai dit précédemment, Castlevania Mirror of Fate vaut la peine. Ok. Toi, Rétro, de ton côté? J'ai joué à des jeux de Super Famicom, dont Mokoju Parodius Super Famicom. Oh, nice! Ah. Parodie de Gradius qui est très fucké. Ils en ont fumé du bon, mais c'est très le fun. Ah, c'est le fun, ça! Puis j'essaie de finir Luigi's Mansion sur E3DS. Ah, c'est cool ça. Tu me donneras des nouvelles? Moi, je l'ai pas encore. C'est pour ça que je regarde des gros yeux comme ça. Ça va pas rire. Pourquoi? Parce qu'il va préparer, qu'il va t'étouffer. Toi, de ton côté, ta star, qu'est-ce que tu fais de bon? Moi, ces temps-ci, j'ai recommencé Diablo 3. Oh! Tu oses? Ouais. Au début, quand c'était sorti, j'avais joué pas mal, mais je sais pas, là, ça faisait chier, là. On arrivait à Armageddon, puis y'a pas personne qui était capable de progresser, là. Fait que j'avais arrêté, mais là, je viens de recommencer, puis bon, c'est pas pire. On s'amuse quand même, des fois. Mais moi, j'ai l'impression, moi, c'est parce que j'ai joué juste à la démo, puis j'ai... Tu sais, le premier acte, là, finalement, qu'il donne, là. Ouais. Puis j'ai quand même fait comme... le 2 était 100 fois meilleur, là. Ben oui, là. Oui, je suis assez d'accord avec ça. J'ai tellement l'impression là, qu'ils ont fait comme... Ok, on va y chercher le plus de monde possible! L'auctionnage, je trouve, ça a ruiné l'esprit de Diablo. C'est vrai que ça n'a pas rapport, hein? Ça... Non, ça aurait pas dû être là. Non. Ça aurait vraiment pas dû être là. Blame you, Activision! On vous déteste! Non. Non, est-ce qu'on déteste plus Activision ou on déteste plus EA? Electronic Arts, c'est ça? EA, c'est sûr que pour moi c'est plus facile, là. EA, c'est mal incarné, en fait, malheureusement. Activision. Mais c'est le seul jeu que tu aimes. C'est pas un gars qui joue à Call of Duty, là. Non. Moi non plus. C'est ça. Moi, de mon côté, je viens de commencer Mass Effect 2. Sur PlayStation 3. Le jeu est quand même assez bien, mais là, ça paraît vraiment que c'est pas un port médiocre comme le premier Mass Effect. Là. Fait que non, le jeu est meilleur, je trouve, puis je commence à avoir pas mal de fun. Sinon, Marilyn s'est acheté en fait cette semaine, puis j'ai joué à Wario Shake It sur Wii. Ouais, j'ai pas joué encore, c'est Big Ben qui vole mes jeux présentement. Ben, c'est pas ma faute. Tu joues pas de suite. Embarque, moi. Ouais. Et Retro Gamer nous montre sa copie du jeu Wario Land. C'est un jeu qui est bon, sérieusement. Moi, je m'attendais à rien quand j'ai commencé à jouer à ça, mais j'ai eu du fun. C'est différent. Et sinon, à part ça, je finis Mario Land 3D sur 3DS. Je suis en train de le finir en ce moment. Je trouve ça vraiment cool. Puis, sinon, c'est à peu près tout de mon bord. Puis, c'est à peu près ça. Marilyn, antithèse, qu'est-ce que ça jase en ce moment sur YouTube et Twitter? Sur Twitter, on a... rien du tout. Oh, pas grave. Marilyn, sur YouTube? Sur YouTube, on a beaucoup de salut tout le monde. Donc, je resalue Sar 2011 CIE compagnie. Je resalue Jizosi qui est revenu nous voir. Salut. J'ai TJess55 qui nous dit salut également. Et j'ai Cat Adam Ken R qui dit salut Alpha, mais il nous salue pas personne d'autre. Je suis un peu jalouse. Puis. On a Karagig Zone qui dit hey, j'ai le même Kirby que Retro. Nice. Tout le monde capote sur ton Kirby, donc youpi. Sinon, on a des commentaires sur nos pixel art. Comme quoi, Jijosé dit c'est pas grave s'il croche là, je le trouve super cute pareil. En plus, il est rose, ça qui est cool. Ben, merci beaucoup. Écoute, c'est mon premier, hein, peu veux pas, fait que. Je travaille fort. Je vais en faire des plus beaux pour une fois, là. Puis, j'ai vu Serre 2011 Compagnie qui dit que lui aussi, il a adoré le dernier Joueur du Grenier. J'ai vraiment hâte d'aller le voir. Moi aussi. Vous avez le goût, là. Mais... On est tu viendras en faire la semaine prochaine. De quoi? Tu viendras en faire, ici. De quoi tu parles? Et ça. OK. Des pixel art. Ah, ben oui, c'est correct. En passant, on a une question aussi, Marie, tu peux-tu la poser pour notre cher Retro Gamer? Oui, il me demande, est-ce que tu as utilisé un convertisseur pour jouer à ton jeu sur Super Famicom? Non, j'ai modifié ma Super Nintendo. D'accord, merci. C'est ça, le truc facile pour modifier une Super Nintendo pour jouer au jeu de Famicom, c'est tout simplement enlever les deux pins qui sont à l'intérieur du Super Nintendo. Ouh, avoir un Retro 3! Oh! Je savais pas ça! Tu peux jouer les jeux de Super Famicom? Ouais, c'est vrai, parce que t'as pas les pins dedans. C'est ça. Y'a que les jeux Famicom qui marchent pas. C'est ça. Prochaine Retro 5, je vais pouvoir. J'ai trois jeux de Famicom, faut que j'essaye. Dont un jeu de sumo. Oh, un jeu de sumo. Wow! J'ai vraiment un jeu de sumo. J'ai commencé une collection de jeux Famicom, là, fait qu'il va falloir que je fasse des reviews là-dessus. Là. Tu me tiendras ça au courant, on a hâte. Moi, je te dirais que moi, tout, ça me... Depuis que j'ai vu la dernière critique de Tester Alpha qui a fait des jeux de Famicom, je suis comme, ça serait le fun. Là. J'en remarque rien, parce que la dernière fois que j'ai parlé d'un jeu japonais, je pense que c'était Dorimi, Myland Secret. Fait que, je vais être dessus. Là-dessus, on commence avec les nouvelles. Parce que tout le monde a hâte aux nouvelles. Première chose bizarre que je viens de voir, c'est que Nintendo America va bientôt proposer des consoles d'occasion sur leur site internet. Alors, OK. Ouais, alors Nintendo va commencer à vendre des 3DS et des DSi XXL qui vont varier entre 100$ et 170$. Puis ils disent avec fierté que les produits d'occasion Nintendo sont les seuls produits d'occasion à être nettoyés, testés et inspectés afin de correspondre avec les standards de qualité de Nintendo. Ah, fait que dans le fond, ils vont être refurbished, reconditionnés. Ça a de l'air. M'étonnerait que ça soit refurbished, je t'avouerais franchement, là. Mais. Reconditionné, ça revient au même, en fait. Moi, mais tu sais, je veux dire, même moi, là, dans le temps, je travaillais dans les magasins, là. Je pourrais dire la même affaire, là. Je les nettoyais de la même façon, là. Non, la colle à friction, là, t'enlèves tout. Non, j'avoue carrément. Mais je pense que là, maintenant, la question finit d'être posée. Font pas ça partout, par exemple. Non, ça, je te l'avoue, c'est pas partout qu'ils le font. Le gars au micro que je connais, il dit ça, là, on nettoie pas ça, les consoles, pis tout ça. Non, les autres, ils envoient ça à une compagnie. Lorsque je voulais faire nettoyer ma Xbox 360, ils disent non, nous autres, on envoie ça. Il y a un gars de Blainville, genre, pis il nous fait ça. Ah, ok, ouais. C'est quand même fait, t'aime pas, là. Je vais attendre 2 semaines pour avoir mon Xbox pour me faire dire, oh, faut-tu le répares ou faut-tu le changes. Mon genre. Fait que non, je trouve ça plate, pas mal de ce côté-là. J'ai l'arnaque à ce moment-là. Sinon, je sais pas si vous êtes des fans de Final Fantasy. Moi depuis le 6, c'est pas comme. Alors, il y a une nouvelle expansion de Final Fantasy XIV qui va bientôt sortir, qui va s'appeler A Realm Reborn. Qui va être sorti sur PC et PlayStation 3. Ça va être une nouvelle monture finalement du jeu qui avait sorti une couple d'années, mais il y a 1 ou 2 ans, puis qui a fait vraiment patate. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un MMORPG qui essaie de s'affronter contre les plus grands. Et mettons que c'est pas user-friendly, je vous dirais. Moi, en tout cas, mon souvenir de Final Fantasy XI, là, je trouvais pas ça friendly pantoute pour. Comme apprentissage ou à mémoire RPG. Comparativement à Warcraft que j'ai embarqué, puis je comprenais tout de suite à quoi qu'est-ce fallait que je fasse. Fait que c'est ça. Ça devrait sortir l'été prochain au Japon. On n'a pas de nouvelles encore par rapport ici, ce qui est dommage, mais on va espérer d'avoir des nouvelles prochainement. Sinon, ben, on a Satoru Iwata, notre cher PDG de Nintendo Japan et Nintendo America. C'est lui qui a pris la place de notre cher ami Régis. Regis Fils-Aimé a été downgradé? Non, il n'est pas downgradé, il est juste en dessous de cette année. Ben, moi je trouvais que c'est pas mal downgradé, là, mais ça c'est mon avis. Là. Bon, c'est de la restructuration d'une grosse compagnie. Fait que il dit que il fait son mea culpa, il sait que la satisfaction des clients n'est pas bien présente en ce moment, que veut pas la Wii U a eu des problèmes par rapport à ce que le monde pensait que c'était une Wii avec une tablette, puis que il manquait beaucoup d'informations claires pour que la population générale puisse comprendre c'est quoi une Wii U finalement. Il dit également qu'il regrette la faible présence des jeux de Nintendo. Puis qui dit qu'il va rétablir le tir au prochain d'ici la fin 2013, début 2014. Est-ce que ça vous donne espoir qu'on puisse voir des meilleurs jeux sur la Wii U? Ben, c'est parce que. Nintendo va en sortir un paquet de jeux juste à eux autres mêmes, j'ai pas trop d'avis. Ben, c'est ça dans leur intérêt. Oui, parce que ça a été long quand même avec la 3DS, ça va en avoir beaucoup de jeux qui ont de l'allure, tu sais. C'est ce qui me fait un peu peur avec la Wii U, personnellement. Moi, je m'inquiéterais pas avec ça. Moi, je devrais en avoir une, peut-être vers Noël, je pense. Mais je veux acheter ma TV avant. Je veux ma TV. Toi, tu veux ta télé. Mais je veux une télé avant, oui. Au moins que mon PlayStation 3 ait une raison de vie, quasiment, là. Là, sérieux, je suis branché sur 3 couleurs, je fais comme... Ouais, j'ai l'impression d'avoir le moteur de Ferrari dans une Corvette. Pas dans une Corvette, mais dans une... Lada? C'est pas une Lada, ma télé, tu sais. C'est comme la génération avant le HD, tu sais. Avant que les écrans plats. Fait que, tu sais, c'était une bonne télé. J'ai les composantes de 6 couleurs, pareil, en arrière, tu sais. Puis l'image est quand même claire, tu sais. Quand même. Mais c'est pas la... T'sais, à cette heure, je regarde les autres télés, je suis comme... Ouais. Ça pourrait être plus petit. Puis plus grand. Mais ça, c'est pas d'avoir tes télé 32 pouces ou 42 pouces. Surtout pour le prochain tournoi, là. Tu sais, là, lorsqu'on va se faire un tournoi au Comic-Con, là. Parce que toute la gang va être là, là. Donc, Retro Gamer PQ. Je veux voir s'il est capable de me planter à Mario Kart. J'ai affronté Beta, hein. Je te rappelle. Je vous tenterai de vous donner des punchs en plus pour une prochaine vidéo. Puis, je suis désolé, pas grave. Vous allez voir ça, la gang, prochainement, m'emmener. Il faut que je donne les vidéos à PL pour qu'ils puissent nous faire une vidéo. La vidéo va être. Non, la vidéo. Oui, c'est ça, c'est un truc genre You had to be there, mais en même temps, c'est un. Non, ça doit être la fin. Fait que là-dessus, ben, c'est ça. Nintendo fait son mea culpa, pis c'est plat. Avez-vous vu également que Nintendo sera pas présent comme grosse conférence au E3? C'est quoi cette histoire-là? En fait, c'est qu'ils veulent plus atteindre leur clientèle, surtout que Nintendo Direct, puis différemment que E3. Là. Bref. Sérieusement, je trouve ça con, là. Ben, d'un point de vue marketing, ça dépend c'est quoi exactement qu'ils veulent faire. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que de toute façon, le E3, c'est juste une grosse machine mondiale pour montrer des jeux, faire du hype. Et ils vont sûrement avoir de quoi se plancher pareil, de toute façon. Il parlait de faire des plus petites conférences afin de viser plus un public site, mais il parlait de faire des conférences privées aussi. Je trouve ça plate un peu, hein, qu'on ils vont cacher des jeux. C'est plate pour ceux qui aiment ça, checker ça sur Internet, tout ça, mais... Avec ce qu'ils font avec Nintendo Direct, on a quasiment des E3 à l'année longue. C'est un fait. Toi, Tester, t'en penses quoi? À propos de Nintendo qui va pas à l'E3? Ouais. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'il y aurait tant que ça de si particulier, de spécial à présenter, là? Tu sais, c'est comme les autres ont dit, là, finalement Nintendo, ils se font leur propre E3, ils ont pas besoin d'aller là pour présenter du stock, à mon avis, là. Dans un sens, c'est vrai. Je sais pas qu'est-ce que ça leur apporte. Ils vont-tu vraiment plus vendre s'ils se pointent à l'E3? Je le sais pas, là. Ben, ça reste une visibilité, mais comme dirait Retro, c'est effectivement peut-être pas une visibilité que Nintendo a nécessairement besoin. Ben oui, c'est qui? Je parle. Oh, tu sais, c'est les fans de Xbox puis les fans de PlayStation. T'sais. Peut-être pas nécessairement la même gang, le même public, fait que bon. Je pense pas qu'ils perdent grand chose à pas y aller, là, sincèrement. Oui. De toute façon, le E3, est-ce que qui est d'accord ici, c'est pour la question autant aux autres accros que les gens qui nous écoutent live présentement sur le chat ou même sur vos commentaires, est-ce que l'intérêt du E3 aurait baissé de toute façon? Est-ce que c'est devenu trop banal pour emporter une attention particulière maintenant? Moi, je pense que le E3 il va disparaître dans les prochaines années. C'est pas tout le monde qui est intéressé au E3, puis de moins en moins, c'est vrai, on en entend de moins en moins partout aussi, là. Il y a de moins en moins d'effervescence sur l'événement qu'est le E3. Ouais. C'est pas pire, j'ai eu une connaissance sur Facebook qui m'a proposé, il a reçu deux billets pour le E3, puis il m'en proposait un. Il m'a dit, si tu viens avec moi, je te donne un billet. Ben, okay. Faut que j'ai dit non. Ça m'intéresse pas, là, tu sais, ça vaut cher un billet pour aller là, mais ça m'intéresse pas. Faut quand même que tu payes l'avion. Puis pourquoi, finalement, là, pour voir des PlayStation 4? Mais moi, personnellement, je m'en fous. C'est pas mal certain que j'achèterai pas le Xbox 720. Le PlayStation, je sais pas, je vais, écoute. De toute façon, ça reste un événement pour la presse. C'est ça, exactement. C'est pour les journalistes. Tout à fait. Ça sert à quoi d'aller là si t'es pas journaliste, puisque tous les journalistes qui vont y être, ben tu peux être sûr qu'ils vont te faire 10 000 reviews, puis finalement tu vas avoir autant d'informations que si tu y avais été. C'est ça. C'est sûr, puis il faut dire que la donne a changé. Moi je me rappelle, étant jeune, j'aurais adoré aller au E3 parce que, bon, on parle en 93-94, l'Internet était quasi nul. T'obtenais les informations quand t'achetais un magazine, puis quand t'étais en plus francophone au Québec, comprends pas l'anglais, c'était ton gars du magazine de jeux vidéo qui te disait c'était quoi les sorties qui allaient sortir, puis les grosses nouvelles. Fait que tu sais, c'était le hype, c'est sûr que j'aurais voulu vivre étant jeune. Je trouve ça dommage que le 3 va disparaître, parce que c'est sûr, inévitablement, Caster, avec la présence d'Internet, puis que dès qu'il sort quelque chose, tu le sais instantanément. C'est dommage qu'on va manquer ça. Mais bon, je suis aussi d'accord que vous. J'ai été très déçu par le E3 il y a l'année passée de Nintendo. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de contenu pour la Wii U que j'ai pas vu. Puis qui m'a comme pas donné le goût d'acheter une console right now. Je dois vous avouer franchement, là. Effectivement, il n'y avait pas vraiment de grosses conférences sur la Wii U. En fait, l'an passé au E3. Il manquait beaucoup de choses. choses, manquait des jeux, manquait des informations par rapport au game, à la connexion Internet. C'était super vague l'année passée, les informations qu'on avait sur Wii U. Tout à fait. Fait que, tu sais, on va attendre encore parce que probablement que Xbox va nous sortir des idées puis tout ça, puis PlayStation 3 va nous sortir d'autres idées, les modèles, la console, tout ça. Mais même moi, je vous avoue que je suis comme testeur alpha, j'ai pas l'intention d'acheter une de ces deux consoles-là pour tout de suite. Puis ça ira pas avant 3-4 ans quasiment, là, parce que je vous avoue franchement, là, j'en suis rendu dégoûté. Ma console, je passe peu de temps dessus. Ma PlayStation 3, ma Xbox 360, je joue à des jeux qui sont sortis il y a 3-4 ans. Bon, le jeu le plus récent que j'ai, c'est Batman. Mais contre moi, Xbox adore pas mal. Oui. Il n'y a rien d'intéressant. Puis je joue pas sur Internet, moi. Le problème de Xbox, il vise plus quantité que qualité, mais on peut également accuser Sony de faire d'utiliser la même stratégie pratiquement. Ouais, si j'avais un PS3, il dormirait aussi. Excuse-moi? Si j'avais un PS3, il dormirait aussi. Ma PS3 sert de lecteur Blu-ray. Je pense que mon 3DS, puis même ma Wii, fait plus d'activité que toutes les autres affaires. Pareil. Moi, de mon côté, je dirais que c'est. Ça commence à redevenir équivalent, là, comme je dis tantôt. Je joue autant à la Wii qu'au PS. Je rejoue autant à la Wii qu'à la PS3 qu'à ma 3DS. Mais bon. T'as même pas ta PlayStation 3 au travail, on s'entend. Moi, tu sais, j'ai ma PlayStation 3, je passe un peu de temps dessus parce que j'ai Mass Effect. Après ça, j'embarque sur Xbox parce que j'ai Skyrim puis j'ai Batman. Puis sinon, c'est à Wii parce que j'ai plein d'autres jeux que je joue. Moi, j'ai des Mario là-dessus, j'aime jouer avec Mary. Il y a des jeux de danse que je joue avec Mary. La plupart du temps, nous, on est toujours deux. Fait que quand Mary et moi, on embarque, mais souvent, on joue à deux. Pis c'est l'une des meilleures consoles pour jouer à plusieurs. Sinon, ma 3DS, parce que je me promène tout partout avec, on est tout le temps dans le métro, des fois je rencontre Antithèse quand il est dans un autre wagon, puis il passe à côté, puis il me fait « Hey, salut! Je suis dans ta 3DS! » Pareil pour moi. Des fois, j'ai Big Ben, puis c'est ça. Ouais. Fait que là-dessus, on va aller voir les commentaires de nos auditeurs. Qu'est-ce qu'ils disent de bon? Le Twitter, ils disent « Rien pour tout. » Vous pouvez utiliser Twitter hein, pendant que vous nous écoutez, ou même si vous nous écoutez après, utilisez le hashtag Accro des Jeux pour venir nous jaser de quoi que ce soit, puis on va essayer de vous en jaser après. Côté YouTube, Marie? De ce côté-là, on a plusieurs questions en rapport avec la Rétron. En fait, il y en a qui me demandent ce qu'on pense de la Rétron 5. On peut pas penser qu'il n'y a rien de la Rétron 5 parce qu'il n'y a pas sorti encore. C'est pas mal vague. Fait qu'on peut pas... Sinon, on a aussi. Est-ce qu'il y a une date de sortie pour la prochaine Rétron? C'est au mois de juin. La dernière fois que j'ai regardé, je vais te regarder ça rapidement. C'est au mois de juin. Je pense que c'est autour du 20 juin. On ressemble à ça. Hein? Je vous donne ça rapidement. Hyperkin. Donnez-moi quelques instants. Tu peux continuer, Marilyn, pendant ce temps-là? Sinon. Il y en a plein qui disent que ceux qui ont acheté une Wii U, pour le moment, c'est pas mal bof-bof, ce qui en pense. Il y en a qui demandent, pour la prochaine convention, est-ce que Alpha va revenir? Pour la prochaine convention, quelle convention? L'Otakuton ou le Comic-Con? C'est mentionné. Je vais être là aux deux conventions, là, ça c'est officiel. Je vais être à l'Otakuton et au Comic-Con. Nous, on n'est pas encore au courant, je vous dirais, de notre bord. Pour ce qui est de l'Otakuton, j'ai été déçu par le dernier qu'on était allé. Puis, j'avoue, cette année, là, Marie, je veux ton avis. Là. Et il n'y a pas grand-chose cette année. À l'Otakuton? Ouais, ça a l'air pas mal cucu. Ça a l'air de disparaître au même. Ça a l'air de réchauffer, sérieusement. Ça fait deux, trois fois qu'on y va? Ouais, deux puis, fois. Ça ressemble à du réchauffé de l'année passée. Pas bon ça. J'espère qu'ils vont sortir des choses avant le Tokuton qui vont faire dire oui, je veux y aller. Sinon, ben, just too bad. Parce que moi, de mon côté, je regardais ceux qui venaient, là. Tu sais, comme par exemple, les invités, là. Puis ils ont juste deux invités cette année. Ouf. Ben oui. Il y a une année, là, il y avait le gars qui faisait la voix de Master Chief qui était là. Puis là, tu te retrouves avec une spécialiste en cosplay, puis un autre bonhomme que je connais pas pantoute. Ben, c'est peut-être qu'en cosplay, il doit pas coûter cher que ça à venir comparé à la voix de Master Chief. Vraiment des choses. Peut-être, mais à un moment donné, c'est parce qu'ils disent qu'ils sont rendus grands, mais c'est parce que faut taire en conséquence les invités qui viennent avec. En tout cas, je veux voir. J'attends juste de voir s'il y a du monde, parce que sinon, oui, je vais y aller, mais je vais être déçu de ce qu'ils offrent. Ils sont si grands que ça, qui invite donc Tara Strong. Tara Strong? Tara Strong, ouais. Qui elle? Tu peux-tu me l'expliquer, mais je la connais pas. Elle a fait un paquet de voix de dessins animés et de jeux vidéo. Ah, ok. C'est elle qui a fait la voix récemment, c'est elle qui a fait la voix de... C'est quoi cette air-là, rétro? Ça dit quelque chose, pour ça. Parce que Sarah Trump, c'est récemment, c'est elle qui fait la voix de Harley Quinn dans Batman Arkham. Ah, ok. Ok, là, je viens de la replacer, Elle a fait Steve Bubble dans Spider-Man précédemment, ça, puis entre les deux, puis même avant Spider-Man, elle a fait un paquet d'affaires. C'est... On l'appelle pas la personne à mille voix pour rien, tu sais. Elle en a fait des voix, c'est assez effrayant. J'ai été voir sur le site de Harlequin. Excuse-moi. Je vous dis, elle est canadienne en plus. Ah, ok. Fait que c'est facile à ce moment-là de l'avoir que, mettons, Wendy Lee. Ah oui, elle a joué une voix dans Transformers Animated. Ben oui, c'est là que je me rappelle. Oui, ça m'étonne pas. Alors, j'ai été rapidement sur le site de Hyperkin, puis je ne vois pas de date officielle de sortie. Mais de ce que je me souviens de ce qu'il parlait, là, ça allait sortir pour le mois de juin. Pour une autour de 100$. Pour une console qui a de l'allure en ce moment. De ce qu'ils promettent, là, ça a l'air très très bon. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Est-ce qu'on a d'autres choses, Marie-Lune? Oui, en fait, on a un retour en rapport au E3. Puis de toute façon, on va savoir les informations quelques heures après. Fait que ça sert à rien absolument de se rendre au E3 ou de. Parce que toutes les informations vont se retrouver soit sur Internet, soit partout ailleurs. Donc et j'appuie. Sinon, Dave Bissaillon Forêt qui dit PC de gaming, fuck the world. For the win aussi. For the win, oui. Ben écoute, Dave, je peux pas dire que j'ai un PC de haute performance. Retro Gamer, il arrête pas de me blaster pour dire que mon ordinateur est plutôt bas. Puis c'est vrai, j'ai pas payé cher, mais je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que je vais m'en aller plus vers le PC pour ce qui est prochainement. Je retrouve tout sur Steam, puis je paye beaucoup moins cher sur Steam que de l'acheter en cassette. La seule affaire qui m'agace, c'est que j'aurais pas une belle collection. Je pourrais pas collectionner mes jeux comme je le fais en ce moment. Moi, je dis, peu importe le médium de gaming, tant que tu games, c'est ça l'important. Ouais. Sinon, pas ça, Marie, y a-tu d'autres choses? Il y a plein de choses qui sont rajoutées au fur et à mesure, donc c'est super le fun. T'as Sav 2011 qui dit « La 3DS est une bonne console sociale. » En effet, c'est vraiment une console sociale. Je sais pas pour vous autres. C'est pas mal ça, oui. Puis je vois Maxime Duclos qui me dit « Avez-vous vu la console Unity? » C'était pas une console qui était sur Kickstarter, ça? Quoi, c'est Unity, ça me dit? Ça me dit rien non plus. Je dois t'avouer que je ne la connais pas. Je vais regarder rapidement. Unity. On est tous là, puis on cherche tout en même temps. Oui, c'est ça qui est le fun. On est live en plus pour... on est live, on n'est pas préparé, mais on va regarder ça rapidement pour vous. On n'est pas préparé pour une affaire de 2 minutes comme ça, disons. Là. Non, c'est ça, on est plus préparé pour le sujet du jour. Là. C'est plus pour ça. C'est ça. C'est 15 systèmes de jeux en 1. Le projet Unity, ça serait ça. Il y aurait 15 consoles qui pourraient jouer avec une seule manette. Elle serait capable de jouer des jeux de Sega Dreamcast, Saturn, PlayStation 2, 64, Atari 7800, ainsi que les autres, j'imagine. Puis ça se vendrait aux alentours de 700... C'est pas le... à peu près 1000 piastres. Ah! Je suis pas beau, mais... Non, excuse-moi. No fucking way! Je vais mettre mon budget ailleurs, désolé. Ça coûterait moins cher d'acheter toutes ces consoles-là, une par une, tu sais. Ben oui! C'est ça que ça m'a coûté bien, ça m'a coûté même pas 400$ juste cette vieille console que j'ai. Voilà. Moi, tu vois, j'ai la plupart de ces consoles-là, je les ai déjà, puis j'ai comme pas envie de m'acheter une console qui réunit toutes. Mais surtout, j'imagine la grosseur de la manette, parce que t'as plein de sortes de joysticks différents. Oh mon dieu, ça doit être horrible, ça doit être un monstre à la Frankenstein. Je sais pas s'il y a monstre. Moi, j'imagine tellement une manette tellement grosse comme celle de, tu sais, dans le Nerd, là, la grosse manette qu'il y avait avec la boule, là. Et ça, j'imagine la grosseur de la manette, ça sort gros. Oh my god, ok. Mais bon, je te dirais même que pour ce qui est de consoles, plusieurs consoles, là, regarde, j'ai une SC3 ici, puis ça fait un job, je joue à certains jeux, mais je pense que à Retron 5, ça va arrêter là pour moi. J'achète la Retron 5, puis ça peut pas. Ouais, ça va être pas mal. Je pas d'autres jeux. La Nintendo 64. Et tu sais, même si j'aime la Retron 3, là, je peux te garantir que ça bat pas quand même les origines. Parce que le son qui sort de la Retron 3, c'est vraiment pas comme une Nintendo normale. Tout à fait. C'est vraiment dommage. Alors, sinon, y a-tu d'autres choses rapidement, Marie? Des réactions sur le prix là, de la Unity. Là. Mais sinon, à part de ça. Ah oui, t'as Kara Geekzone, que je salue. Kara! C'est Kara! Oui! Qui dit que l'Otakuton n'a encore rien sorti comme programme parce que les invités s'ajoutent au site au fur et à mesure qu'ils sont confirmés. Fait qu'il n'y a probablement pas de confirmation encore. Ben, j'espère qu'ils vont faire vite parce que, pareil, c'est le mois d'août qui s'en vient. Puis, on est déjà rendu au mois de mai, là. Fait que, non, moi, c'est parce que je veux pas, accro pour moi, faut que je fasse les démarches pour y aller. Fait que, si on décide d'avoir une table ou si on décide d'y aller en tant que qu'observateur, en tant qu'invité normal, puis d'aller marcher, faut qu'on se prévoie d'avance. Fait que c'est pour ça que je me grouille, puis je vous dis même que je talonne pas mal les pieds du Comic-Con de Montréal pour savoir qu'est-ce qui sort, parce que je veux savoir si on y va ou pas. Je veux juste en revenir sur Project Unity. Esther, je me souviens, la première fois que j'ai vu ça, c'est un gars qui a fait ça pour son plaisir personnel, ça sera jamais vendu. Ah, ok. Fait que c'était vraiment pour un plaisir personnel. Ok. Mais c'est correct, regarde. Il a pris 3 ans à faire celle-là, fait que... Ouais, c'est tout seul. Ouais. Mais regarde, rendu là, c'est parce qu'il faut que t'aies aussi des... Je sais pas s'il y a une affaire de licence pour les consoles de genre. De toute façon, il a fait ça pour son plaisir personnel, c'est même pas un vrai produit. C'est ça. Dernière nouvelle rapidement, demain, c'est le nouveau Far Cry 3 Blood Dragon qui sort. J'ai hâte de jouer à ça, juste pour l'esthétique du jeu. De tomber dans le futur de ce qu'on imaginait dans les années 80 avec des lasers en néon rose et d'assembler un Cobra Commander puis un G.I. Joe. G.I. Joe! Avec une main Terminator. Puis c'est Michael Biehn qui fait la voix du gars principal. Savez-vous c'est qui Michael Biehn? Michael Biehn. Autant je connais ta ressemble, ça c'est quelque chose à rétro, autant je pourrais mettre un brun que Michael Biehn rétro le connaît, puis moi je le connais pas. Michael Biehn. Biehn. Je vais vous le dire rapidement parce que je veux comme pas trop que vous fassiez cette recherche. Michael Biehn, c'est le gars qui faisait la voix du père de John Connor dans Terminator 1. Faisait le personnage de... Tu sais, le gars qui sauve Sarah Connor dans Terminator 1. Ça me dit rien absolument. Non? Fait que... Son nom ne dit rien. Pour moi, ça a toujours été un nom. Ok, je vais te dire quelque chose que tu vas te rappeler rapidement. La pochette de Metal Gear 1 sur NES, c'est lui. Ah ouais? Oui. C'est bon pour lui? Ils ont pris une image de Terminator puis ils ont pris lui pour qu'il ressemble à Snake. Fait que, Ben écoute. Ben anyway, oui, useless knowledge, j'en ai aussi. Il n'y a pas juste un symptôm. T'en es fait un symptôme, fait que c'est excusable à ce moment-là. Ouais, mais moi, un symptôm, c'est mon idole. Vous, c'est tout l'angry nerd. Moi, je suis le seul qui adore un symptôm. Ben, je suis pas un gros fan d'Angry Nerd, même sur certains points, j'ai une conversation à faire, puis je fais ça un peu pour créer un peu de controverse. Oh, c'est ton personnage! Mais non, c'est pas un passage. Il fut un temps où, pour mais un court temps, où je préférais Irate Gamer à The Angry Nerd. Yeah. Un court temps! Oh là là, je vois que Retro est pas content, là. Un court temps! Chris, Retro et Tester ont sûrement quelque chose à dire. Depuis ce temps-là, moi j'appelle Chris Boring, Chris Boring. Attends qu'il est vidéaste, il fait dur. Genre, il produit une vidéo à chaque 3-4 mois, là. Puis il part avec YouTube. T'es dévoué, mon chum, t'es dévoué. Et depuis ce temps-là, je suis revenu au bon côté des choses. Et Angry Video Game Nerd, même si c'est pas mon top, parce que moi c'est toujours Spoony. Fait que, c'est ça. Moi, c'est. Je te dirais. Je vois du grenier. Je pense que j'écoute. À cette heure, dès que je vois du grenier sort, je l'écoute automatique. Une heure, tu peux attendre. Je sais pas pourquoi. Peut-être que tu peux passer par principe de solidarité francophone, mais d'un autre côté. Ah, peut-être. Puis il était fin pour les accros. Il était fin deux fois avec les accros. Ben, c'est cool, ça. Fait que là-dessus, on va embarquer dans la discussion de la soirée. Veux pas, c'est un gros sujet. Puis, on va falloir qu'on débatte. Parce que là, ce soir, on a un sujet qui est plutôt touché, je vous dirais. On va parler de ce fameux jeu qui est Super Mario Bros. 3. Qui est pour moi un de mes jeux préférés à vie. Puis je pense que c'est à peu près le jeu préféré à quasiment tout le monde. Mais ce soir, on va se poser la question ensemble. Est-ce que ce jeu-là mériterait d'être le jeu légendaire? Le fameux 10 sur 10, point à la ligne, qui a rien. Ça, il n'y aura rien de mieux comme jeu parfait. Okay, je ferme le débat direct là. Oui! Mais on va te débattre. On va faire tout en parle. Mais pourquoi? Rétro, t'es dans la chute parce que, comme j'ai précédemment mentionné, je risque d'avoir le rôle d'avocat du diable. Faut justement pour alimenter le débat. Marqué dans le note. Ah ouais, bon, calice. Ouais, on va. Je suis pas dans la forme pour ça, mais je vais essayer. Ok, c'est bon, on sera pas trop rude. On va essayer. Je vais commencer avec Tester Alpha. Ouais, Tester, ouais. J'aimerais ça, mon ami, que tu m'expliques un petit peu. Tu peux-tu m'expliquer rapidement l'histoire du jeu? Tu t'en souviens-tu? L'histoire du jeu, ben non. Mais voyons donc. Moi, là, le jeu est sorti, j'avais 2 ans, et j'ai preuve sur caméra, mes parents m'ont filmé quand j'avais 2 ans et je jouais à Mario 2. Puis ça a commencé là, puis je suis tombé en amour avec le jeu, évidemment. Ben oui. Ben oui, c'est sûr. Mais là, il faut faire attention, là. Quand on parle de meilleur jeu, ça veut pas dire ton jeu préféré. C'est pas parce que, tu sais, comme... Moi, par exemple, je pourrais dire, bon, je préfère Mega Man 5 que Mega Man 2. Or, si tu regardes dans le top 100 de IGN, Mega Man 2 est drôlement mieux coté que Mega Man 5. Fait que, quand tu juges un jeu, faut pas que tu utilises tes goûts. Faut que tu sois objectif puis que tu te dises, OK, selon les critères qu'on utilise pour juger un jeu... Normalement... C'est quoi le meilleur? C'est ça. Et en si fait, tu c'est... regardes la liste des meilleurs 100 jeux de IGN, Mario 3 est le numéro 1. Donc, je dirais, oui, Mario 3, c'est le meilleur jeu de la NES. Est-ce que c'est mon favori? Il est d'un top, mais c'est pas le numéro 1, disons. Juste pour ajouter sur Tester, je pense qu'il va être d'accord avec moi. C'est des jeux qui ont établi des règles de base qui sont toujours restées. C'est pour ça que c'est les meilleurs jeux. Ouais, ouais. Bien vrai. Côté plateforme, là, on fait pas mieux. Sérieux. C'est totalement raison. On va commencer d'abord avec... je vais commencer avec le gameplay, parce qu'un Mario, si on s'entend, c'est le gameplay. C'est ça qu'on cherche le plus. Qu'est-ce qui fait que Mario 3 a un gameplay exceptionnel? Il y en a à dire, là. Il y en a beaucoup à dire. Ouais, pas mal. C'est, on sait pas par où commencer. Commençons d'abord tout ce qui est la mécanique basique de Mario. On s'entend que pour ce qui est des contrôles, les contrôles sont parfaits. Je pense que si tu fais une erreur, c'est parce que c'est ta faute à toi, c'est pas la faute du jeu. On peut dire qu'il a bien été programmé là-dessus. Mais ça veut pas forcément dire que le jeu n'est pas sans son défi. Le jeu a son défi, oui, non, mais si ça amène à un autre débat, mais on va commencer avec tout ce qui est de la mécanique. Côté mécanique, du jeu, c'est parfait. Vous trouvez pas? Qu'est-ce que je peux répondre à ta question? Qu'est-ce que tu veux changer? Ben oui, dis. Tu sautes, tu te penches, c'est tout ce que tu as de besoin. Et après ça, tu as des petits items de plus pour faire des petits trucs cool. Ça rend le jeu vraiment riche. Mais je veux dire, tu pourrais pas en rajouter à Mario 3. C'est parfaitement bien balancé. T'as pas besoin de rien ajouter d'autre. Tu fais tout ce que tu as besoin de faire avec ça. Puis regarde. Non, on peut pas améliorer ce qui est déjà parfait. Si on regarde les ennemis de ce côté-là, est-ce que vous trouvez qu'il y a une très bonne variété d'ennemis ou il aurait pu être amélioré? Bon, c'est les ennemis standards de Mario 1. Améliorés avec deux nouveaux ennemis faits spécialement pour Mario 3. Je pense pas qu'il y ait des ennemis de Mario 2 qui se sont trouvés dans le 3. Aucun. Non. Même pas les Shy Guys, hein. C'est ce que j'avais mentionné, les Shy Guys m'ont manqué. Les Shy Guys ont juste été de retour à Mario World. Ouais, ok. Fait que non. Hein? On te voit pas, là? Non, c'est normal, c'est la caméra marche pas. La maudite webcam, j'ai essayé, j'ai restarté, je l'ai débranché, plugué, débranché. Ça marche pas, j'ai pas réussi, fait que... Tu manges la merde, la caméra. C'est ça. Sinon, côté power-up, qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool. Tanuki! Mais ça, Tanuki! Écoute, c'est génial. Là, tu parles de du champignon qui te grossit à la fleur qui te permet d'avoir des boules de feu. Puis Mario 3 t'offre quelque chose de pas doublé, même pas, mais d'exponentiel. Il t'offre des possibilités d'exponentiel. Il t'offre la grenouille. Il t'offre la bottine. J'ai un petit top pour la bottine. Il t'offre le tanuki, écoutez, c'est cool le tanuki. Le saut de Hammer Brothers. Écoutez, déjà par contre, on vient d'en nommer peut-être 8 versus 2. Hey, j'ai vu ça rapidement sur Wikipédia. Ça a l'air que le saut des Hammer Brothers, ça a l'air que t'es immunisé au feu. Oui, il est immunisé au feu, effectivement. Ah ouais? Tu savais pas? Non! La version japonaise, cependant, je pense qu'il n'est pas immunisé au feu. Mais la version américaine, oui. Tu fais juste la petite par en bas, parce que c'est la carapace, ça te protège, puis t'es correct. Le feu passe à travers toi, principalement. Après toutes ces années, c'est là que j'apprends ça? Non, sais-tu pourquoi on le sait pas, Rétro? C'est parce que ce suit-là, il est assez rare. Fait que les seules fois que tu les avais, là, tu faisais tellement attention que t'avais pas le goût de faire comme « Je vais m'acheter dans le feu, C'est sûr, tu l'as jamais remarqué. Mais non, je l'ai jamais remarqué. Moi, c'est pas erreur que j'ai découvert ça. Merci, bonsoir. Non, même pas moi. J'ai découvert tantôt sur Wikipédia. Puis qu'en fait, hein? Ça se peut pas. Puis tu sais, on s'entend que Wikipédia, tout le monde peut changer ça. Fait que tu sais, Ok, là. On peut changer Wikipédia, sauf que t'as quand même une équipe qui surveille ça à la loupe. Puis c'est sûr en même temps que c'est. Plus un article est populaire, plus vite il va être double et triple checké. Ouais. Fait que je vais regarder ça. J'ai une game de sauvegardant en ce moment sur ma Wii. Parce que j'ai la version collection. Fait que je vais sûrement l'essayer à m'emmener pour voir si c'est vrai. Je vous reviendrai là-dessus. Je trouvais ça vraiment cool. Puis ça a amené vraiment la base pour tout ce qui est power-up. Je pense que après ça, le pays dans les autres Mario, il y en a eu beaucoup moins. C'est vrai. C'est le nombre de bon nombre de power-up est revenu avec dans le fond Super Mario dans le New Super Mario Wii. Mais le World, non? Non, World, ouais, il y en avait moins que 3. T'avais la cape, t'avais la fleur, t'avais l'étoile, puis t'avais le champignon, puis c'est tout. Puis t'avais Yoshi. Yoshi. C'était ça le... Pour Mario World, t'as plus ça un power-up, Yoshi? Ben, ça peut être considéré qu'un power-up, faut que tu sortes une boîte. Ouais. C'est ouais, vrai. Dans le fond. Puis, veut pas, lui, en plus, il a des habiletés, lui. Comme quand il fait manger une carapace bleue, ben, il vole. Ouais, c'est des power-up pour Yoshi, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est un, comme un power-up de power-up. Sendu là. Fait que vraiment, ça, on peut dire, ça a été parfait. C'est plate que Nintendo n'ont pas rajouté plus de power-up après. Mais aussi, il y a peut-être un manque d'idées aussi. C'est pour ça que je dis que, que les nouvelles idées se sont plus manifestées avec New Super Mario Bros. Sur la DS. En même temps, tu peux pas juste faire un nouveau jeu puis rajouter des power-ups. À un moment donné, c'est aussi le gameplay puis le monde qui entoure ton activité qui détermine si le jeu est bon. Je veux dire, tu peux pas sortir juste genre Super Mario Bros. 3 puis rajouter 3-4 power-ups et espérer que le monde va plus l'aimer. T'sais. Parce qu'en même temps, les power-ups, c'est ça qui va. C'est vrai que c'est dans la double tranchant, parce que c'est ça qui va soit enrichir, soit décréper pour l'expérience de gameplay, justement. Mais il faut que ça serve, il faut que ça ait une utilité quelque part, il faut que ça ait un intérêt de gameplay. Ou c'est sûr. Côté. Sinon, si on y va, côté musique, est-ce que vous avez aimé les musiques? Ben. J'ai adoré les musiques. De temps en temps, la musique me pop encore dans la tête, oui. Mais moi, je me souviens de la toune de quand tu rentres dans les maisons championnes. Je te dirais que la musique est quand même unique dans celui-là. C'est comment dire? Il y a des thèmes là-dessus qui sont revenus après dans certains jeux, comme les... Dans les Mario Galaxy sur la Wii, ils reprennent de ces thèmes-là. Puis franchement, c'est génial à chaque fois de les réentendre. Tout à fait. C'est super bon. Sinon, côté tableau, on a dit que le 4 c'était notre préféré. Je pense que c'est à peu près ça pour tout le monde. Comment? Le 4e monde. Ah, avec le monde des géants. Oui. Coupable. Mais c'est à peu près la seule fois qu'ils l'ont fait dans un Mario. Ils l'ont jamais refait après. Ils l'ont fait dans non, Mario. En effet. Ils ont fait un champignon géant, mais... Ils ont fait un Mario géant. Ouais. Bon, mais Mario Wii U, Super Mario Wii U, il a repris le monde des géants. Ah, je savais pas. J'ai dans le monde 4. Le monde 4, je suis moins sûr, mais c'est que je l'ai vu, parce qu'au microplay de mon coin, il y avait les gars qui jouaient à New Super Mario Wii U, puis justement, c'est en guise de display, puis il était dans le monde des géants. Bon, c'est bon. Sinon, à part ça, ce qu'on pourrait regarder rapidement, ce serait le gameplay à présent. Je pense que, je vous dis, comment que le jeu a bien vieilli. Puis je pense que, sérieusement, c'est un des jeux qui a le mieux vieilli sur la Nintendo. Sérieusement, je pense que c'est un des seuls que je rembarquerais avec sur ma Nintendo. Ce serait le premier jeu que j'aurais, puis je pense que je serais content d'y rejouer. Ben, c'est parce que ça, son évolution, si tu compares Mario, le premier Super Mario Bros, à justement Mario 3, il y a eu combien de temps d'évolution découlée, je pense, entre ces deux jeux? Peut-être quoi, je pense 4 ans, justement, 87, 90, ouais, 3-4 ans environ. Il me semble que, ici, en Amérique du Nord, le premier Mario, il est sorti en 86, il en fait le même, en fait. Ou même 87. Ce qui arrive, c'est que les côtés graphiques, les gens ont embrassé la diversité des couleurs et des tons et des détails utilisés dans Super Mario 3. Et pourtant, c'est pas si vous êtes d'accord avec moi, le pire, c'est que Super Mario 3, c'est pourtant un jeu bien simple. C'est sa simplicité qui fait son grand charme. Mais Mario 3 n'est pas non plus plutôt la conception de Mario 3 n'est pas non plus sans son évolution. Je veux dire, pour arriver à Mario 3, ils ont pris des éléments du premier Mario, puis même de Mario Bros 2, certains points. La possibilité de prendre des pouvoirs dans tes mains, ça vient de Mario Bros 2. On pourrait dire oui. Ouais. J'ai un petit peu de misère parce que je veux pas, c'est pas le même jeu. Hein. Faut garder à l'esprit que Mario 2, c'est encore Doki Doki Panic. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai encore un petit peu de misère, mais oui, Miyamoto a travaillé sur le 2, sur celui-là. Fait que il y a peut-être des idées qui étaient empruntées, mais j'ai de la misère encore à considérer que ce Mario-là il fait partie de la chronologie. Parce que c'est vraiment pas le même jeu. En tant que tel, je ne pense pas, mais je pense que même Nintendo le voit pas comme étant canon totalement. Parce qu'après tout, c'est un rêve, entre guillemets. C'est ça. C'est un... Oui, on vient de vous donner un spoiler 20 quelques années après, mais oui, c'est un rêve, finalement. C'est plus un spoiler, je suis rendu là. C'est comme ça qu'elle a partagé la culture geek en intégralement parlant. Tout à fait. Selon vous, c'était-tu l'argument pour acheter un Nintendo? Bonne question. Pas le seul, ouais, mais néanmoins un argument très fort parce que c'était sûr que si tu voulais faire. Si tu voulais jouer au jeu, oui, tu pouvais avoir la possibilité de finir en 15 minutes. Autant que si tu voulais faire tous les niveaux en complet, ben t'en avais en tabarouette du sac à faire. Donc en même temps, vu la Nintendo et tes capacités, je peux aussi comprendre bien les gens que ça leur faisait chier que Mario 3 n'ait pas eu de sauvegarde. Wow, ça, avec les Game Boy Advance. Ça, je trouve pas que c'est un problème, le Nintendo, pas de sauvegarde avec Mario 3. Tu sais, les flûtes, ils servaient à ça. Il y a ça, par exemple. Quand avec les premiers niveaux, puis tu crevais, t'avais pas le goût de refaire. C'est pas grave, tu prenais une flûte, puis tu recommençais où ce que t'étais rendu. That's it. Fait que ça, pour moi, c'est... Franchement, là, j'en ai rien à battre qu'ils n'ont pas de sauvegarde. Je suis d'accord avec ta star, là. Yes. Moi, je me rappelle encore, dans le temps, ma mère avait le jeu. Je vais faire une vidéo prochainement. Oui, c'est ma mère qui jouait au jeu en premier. Puis, elle avait acheté... J'avais compris, elle a lavé le jeu. Non, elle lavait le jeu. J'ai compris ça. Lavé, j'imagine qu'elle le mettre dans la laveuse. Elle avait... Ma mère avait la version japonaise du jeu. Donc, on avait une version qui était beaucoup plus difficile. Parce que, veux pas, dans Mario 3, lorsque vous vous faites toucher, la version américaine, puis mettons, vous êtes avec le raccoon, ben vous devenez juste Super Mario, donc la deuxième forme de Mario. Mais dans la version Jap, on tombait tout de suite tout petit. Oui. Ça rajoutait un petit peu plus de difficulté. Puis ma mère, une fin de semaine, je me rappelle qu'elle m'a dit « Tu touches pas à la Nintendo ». Je dis « Pourquoi, maman? Là, j'aimerais ça y jouer, là. » « Non, tu y touches pas. Je suis en train d'y jouer. Je veux finir le jeu. » Ça y a pris deux hauts. Elle a peut-être joué à 4-6 heures par jour, là. Mais elle l'a fini en une couple d'heures. Fait que ça, je donne ça à ma mère. Les Nintendo étaient tough à l'époque, là. Faut s'attendre, là. Ta console, tu pouvais la laisser ouverte toute la nuit, puis il n'y avait pas de problème. C'était le bon vieux temps. Ah, le temps des consoles qui marchaient comme faut. Longtemps. Ouais. Il y aurait un bémol là-dessus, là. Mettons que... oublier qu'on soufflait dans nos cassettes pour essayer de les faire fonctionner. Là. Ouais, pis c'était une erreur de faire ça en passant. Ouais, je le sais, mais Calix, c'est quand même juste le putain de seul truc qui fonctionne. Fait qu'on va continuer à le faire. À moins que t'es capable d'ouvrir la boîte pis aller vraiment nettoyer tes connecteurs pis tes connecteurs de cassettes. Ouais, on le fait de temps en temps, ça, mais tu sais, quand même. Des fois... Change des pins. Ça, c'est la soeur que je sais comment faire, ça me fait grincer les dents quand je vois quelqu'un sur la cassette. Je suis Ah, pauvre rétro. Moi, c'est ça le pire. Ma première NES est morte, point. Je pouvais plus rien faire avec. Elle s'est ramassée. Il n'y a plus d'électricité qui passait dedans, fait que même à changer. Ça pouvait se réparer, oui, mais je ne le savais pas auparavant. Et c'est le Giger qui m'a engueulé. Alors, non, à ce temps, j'ai réparé une Nintendo que j'ai trouvée dans un marché aux puces. J'ai payé des peanuts, j'ai payé 10$. Puis je l'ai réparée, puis là, elle va super bien. Fait que là, j'ai ma NES à moi, puis je suis content. Hey, la NES, ils en ont tellement fendu, tellement fabriqué, que c'est pas une console super rare. Là. T'sais, si t'en veux une, tu vas en trouver une, elle te coûtera pas trop cher. Ça veut pas dire de pas y faire attention puis de l'acheter au vidange, là. Mais... Ils font même, il y a même des compagnies qui font des pièces de rechange. C'est ça, ouais, moi j'ai un connecteur, un nouveau connecteur qui est 999. C'est ça, exact. On achète ça nous autres ici, le 9. Fait que. Alors, ça va durer encore longtemps, là. Mais oui, toi t'as la chance, hein. Si jamais ta console a de la misère, tu vas pas frapper sa tête à bêta avec ta NES, puis elle va être en marchant encore correctement sans problème. Numéro 1. Ah, c'est pratique d'avoir un assistant comme ça. Bon, pas sûr que Beta va marcher encore après, mais ça, c'est un autre détail. Il est fait fort. Tu l'as pas vu, hein? Moi, je me rappelle encore qu'on était allé super ensemble, là. Fait que finalement, je pense que la dernière question que je pourrais vous poser, la gang, c'est si ça serait si je vous donnerais une Nintendo sur une île déserte avec l'électricité puis la télé. Puis je vous donnerai un seul jeu. Est-ce que Mario serait vraiment votre choix ultime? Personnellement, oui. On pourrait emmener n'importe quoi, puis c'est comme dans tous les cas, là. Rescaper tout de suite, là. Fait que c'est à peu près le seul désennui que tu vas avoir. Il n'y a juste pas d'avoir un jeu, là, comme il dit. C'est ça. Est-ce que c'est le jeu ultime de la NES en premier? C'est ça la question que je vous pose. C'est-tu vraiment pour vous le jeu ultime de la NES, la meilleure qui a jamais été sortie? Puis dans votre top personnel, c'est-tu celui qui mériterait la place numéro 1? Oui. Pour moi, c'est numéro 1, mais c'est pas le jeu que j'apporterais sur une île de l'air. Antithèse? Ah, shit. J'ai bien l'air de répondre à cette question-là parce que j'essaie de penser à quel autre jeu qui prête un meilleur choix que Mario 3 quand même. Puis j'ai pas le goût de compter les jeux genre 110 jeux et plus parce que ça, c'est un peu trop pour commencer. C'est légal. De 1. C'est pas des vrais jeux. De 2. De 3, de toute façon, si on compte à tout et partout, même puis toutes les infos, moi je serais tendance à dire oui finalement parce que c'est un jeu auquel que moi, comme sûrement tout le monde ici, je manque pas de refaire une fois de 30 ans. Puis je manque pas de me réinvestir même après au-dessus de 20 ans que je joue à ce jeu-là. Donc, ma réponse serait oui. Toi, testeur, de ton côté? Moi, je l'amènerais pas sur une île déserte, ça, c'est officiel. J'aurais tendance à dire que je suis d'accord avec le top de IGN, là, dans le sens que c'est celui qui devrait être au top. Là. Il est vraiment excellent. Là. On peut rien ajouter à ça. Fait que je dirais que c'est le meilleur. Je dirais pas que c'est mon favori, fait que ça serait pas celui que j'amènerais avec moi sur une île déserte. Moi, je dirais de mon côté, je suis un peu du même avis que testeur. Je suis quelqu'un qui... oui, j'adore Mario, je pense que probablement ça va être encore mon top dans... Si je fais un autre top 10 de jeux NES, ça va être probablement dans mon meilleur. Mais par rapport, je pense surtout... Moi, je suis quelqu'un qui est très, très fantasy. Je suis quelqu'un qui adore beaucoup l'aventure, plus épique. Alors, pour moi, Mario est moins épique qu'un Zelda. Alors, probablement que moi, j'amènerais un Zelda avec moi sur une île déserte, probablement. Mais pour ce qui est de NES, je dois avouer que c'est ce qui a mis les bases d'un gameplay de jeu de plateforme que tous les autres ont suivi. On pense à Sonic, on pense à Klonoa, on pense à Crash Bandicoot, ça ressemble à... C'est le fondement de base. C'est grâce à ça si le jeu de plateforme est rendu aussi bien. Là-dessus, on va aller voir nos fans avant de quitter. Marie-Lune et Antithèse, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'ils jouent avant qu'on quitte? Moi, j'ai rien sur Twitter, mais absolument rien. C'est pas grave. On se reprendra une prochaine fois pour ce qui est de Twitter. Ben oui. Mais oh que vous êtes productifs sur YouTube, mes amis. Ils sont comment? Ils sont productifs. Ça lâche pas. Ça lâche pas. Ça lâche pas? Allons-y. Alors, j'ai... Allons-y, allons-y. Mes oreilles! Ouais, j'ai eu mal aussi. Ouais, mais je pensais à Retro Gamer quand tu parles, je faisais ça. Retro Gamer, t'as besoin d'excitation, c'est ça? J'ai cité son docteur préféré. D'accord. En français? On va dire. Ben, non, en anglais. David Tennant dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Allons-y, allons-y. C'est en français? Non, mais je dis, il essaie de trouver à un gars qui s'appelle Alonso parce qu'il veut dire allons-y, allons-y. Ouais. T'as remarqué, hein? Ouais, je vois que t'adores Doctor Who. Non, mais Chris, à un moment donné, faut pas être trop étonné non plus. Là. Hey! T'es pas mieux que moi, hein? Je te rappelle, t'as une collection plus grosse de Skylanders que moi, puis que tout le monde. Non, mais je blague, je peux pas me rappeler chaque détail. C'est sûr. Ok, vas-y, Marie. Ok, j'ai TJS55 qui dit qu'il manque. C'est des jeux comme Mario 3 qui manquent aujourd'hui. Je suis d'accord. Vraiment d'accord. Ouais. Ben, c'est parce que, oui, t'as les New Super Mario Bros. Qui fait à peu près la même affaire, mais j'avoue que. Plateforme, je suis prêt à jouer à un nouveau jeu de plateforme, mais je t'avouerai pour ce qui est d'un Mario, je passerai à une autre étape qu'un Galaxy. Ça, j'irai plus loin qu'un Galaxy. J'irai temporel. Mario qui va dans le temps. Mario Time Machine? Qui retourne à l'époque des Super Mario Bros. 3. Non, pas Mario Time Machine. Non, c'est mauvais. Oh, arrête, tu viens de me donner le prochain cadeau de Noël, là. Je l'aime, Mario Time Machine. Quand j'étais jeune, j'avais demandé un jeu au Super Nintendo, puis là, mes parents m'avaient acheté ça, Mario Time Machine. Ah, puis ils me l'avaient emballé dans du papier directement sa cassette. Fait que moi, quand j'allais saigner sur le bord du sapin de Noël, j'avais vu ça, puis là, je touchais, tu sais. Puis je le sentais, tu le reconnais au toucher, là, de quoi ça a l'air, une cassette de Super Nintendo. Fait que quand j'ai vu que c'était une cassette de Super Nintendo, je capotais bien raide, j'avais hâte à Noël, comme c'est pas possible. Mm-hmm. Arrivé à Noël, on déballe la cassette. Là, je fais « Wow, jeu de Mario! » Je le mets dans le Super Nintendo, puis j'ai fait « Oh my God! » Okay. Oh, pour toi! Batince! On est turn off total! J'espère, si jamais tu fais une vidéo là-dessus, que tu diras pas que tes parents t'ont donné ce jeu-là. Pauvre eux autres. C'est drôle. Surtout quand t'es. Tu sais, c'est un jeu éducatif, mais quand t'es kid pis que tu parles juste français, on s'entend-tu que. T'oublies ça, là, Mario Time Machine. On comprend fois qu'il n'y a rien. Tu sais, là, t'avais des phrases, puis fallait remplir des mots, là. Hey boy, quand tu parles pas anglais, bonne chance. Ouais. Fait que, shit. C'est ça, anecdote. Bon, voilà. Fait que toi, en titre, tu l'as aimé? De quoi? Ah, je pensais que t'avais dit que tu l'avais aimé, ce jeu-là. Ben non. Ok, non. J'ai eu peur. Vas-y, Marie. J'ai Katadan Kane 1 qui dit qu'il a préféré Super Mario Bros. World à Mario 3. Est-ce que c'est votre cas, vous autres? C'est mon cas, excellent, moi aussi, parce que juste... Ouais, mais comme on a dit, il a préféré, pas nécessairement meilleur. Mais en même temps, c'est tellement difficile de dire au fond, je ne cache pas pour vous autres, mais c'est pas aussi de c'est quoi le temps que c'est quoi le temps que t'as investi à jouer à Mario 3 versus le temps que t'as joué à Mario World? J'ai investi beaucoup de temps dans ma vie à jouer à Mario 3 et je le fais encore versus Mario World que même aujourd'hui, j'ai honte d'avouer que je fais encore des petites découvertes dans Mario World. Ah ouais, mais tu sais, c'est encore la même question. Je pense que Mario World est vraiment supérieur à Mario 3 pour plein de raisons, t'as des secrets, t'as des clés, t'as Yoshi, c'est vraiment là, mais en fait c'est plus ou moins comparable, tu sais, c'est pas la même console. Je dirais oui, Mario World est vraiment meilleur que Mario 3, mais je sais pas. Est-ce que je suis un des seuls à trouver que Yoshi Island était meilleur que Mario World? Oh, c'est nice. Parfait. Ouais. La seule affaire qui est gossant, là, c'est ça. T'avais le goût de le laisser crever. Yoshi Island, là, au Japon, c'est même pas un Mario World. Ah, je savais pas ça. C'est ici parce que le monde, il avait eu Yoshi. Ils ont marqué Super Mario World 2, mais c'est pas Super Mario World 2 pendant tout. Ah, ok. Mais j'avoue c'est comme Mario World, oui, je l'aime, mais je sais pas, j'ai une appréciation un petit peu plus pour Yoshi Island, je sais pas pourquoi. Mario World, c'est Super Mario Bros. 4. Mm. Ah bon? Ben oui, c'est au Japon, c'est ça. C'est juste qu'ils n'ont pas pris le même nom. C'est ça. Mm. Autre chose, Marie? J'ai Serre 2011, compagnie, qui dit Mario, ce sera toujours le meilleur jeu de plateforme avec Sonic. Tout à fait. Puis moi, je rajouterais là-dedans Klonoa. Qu'un jeu quasiment personne n'a joué. Megaman! Mais Megaman, c'est une plateforme, oui. C'est vraiment plateforme. Ben oui, ouais. Ben oui. Oh, oui, j'avoue, Megaman. Megaman X pour moi, ouais. Autre chose, Marie? Il y a Kevin Doré qui dit que le fait de choisir son niveau, c'est vraiment cool à Mario 3. Avec les flûtes, oui, c'est sûr. Ouais. C'est la fin qui est un petit peu blanc, c'est que tu ne peux pas aller rejouer les niveaux dans Mario 3. Faut dire que aussi dans ce temps-là, ben, rejouer tes niveaux, c'était pas non plus bébé pensé. Ben, ouais, j'avoue que de toute façon, tu sais, t'es rendu au niveau 7, t'as déjà accumulé plein. Si t'as vraiment fait la courbe normale, t'as pas pour qu'il te flotte, là, tu te ramasses avec pas mal de vie pis pas mal de stock sur toi, fait que t'sais. Ouais. Dans ton équipement, normalement, t'es capable de débrouiller pareil. C'est pas dans la même logique, tu sais. Dans Mario World, tu voulais refaire les niveaux parce que t'avais des passages à débarrer. Dans Mario 3, c'est un petit peu plus linéaire, là. Fait que finalement, ouais. Refaire les niveaux dans Mario 3 serait peut-être pas le. Ça donne à rien de le refaire. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Autre chose, mais? On a Dave Bissaillon Forêt qui dit que les boss des châteaux étaient trop redondants à son goût, c'est toujours le même. Mais c'était les enfants de Bowser. Le Bowser. Wow. Je te dirais que les boss battles étaient pas pire pareil parce que des fois il y avait des stratégies que même Master à 28 ans, là, j'ai encore de la misère à déterminer c'est lesquels. Surtout les ceux de la fin, là. S'ils commencent à se balancer sur un ballon puis ils lancent leur sort magique, là, j'ai comme des fois de la misère à les éviter. Pour que je pêche encore mes manettes. La plus tough, selon moi, c'est toujours celle du niveau 3 dans Mario 3. Fucking Wendy. Oui, c'est vrai. Elle était plus difficile. Elle était chiante en ouais. Mais moi, je serais de l'avis de la croix qui nous a dit qu'il était semblable. Je trouvais que c'était assez semblable. Là. Quand tu pognes le pattern, c'est tout du pareil au même. Là. C'est pas comme dans Megaman. Dans Megaman, toutes les boss sont vraiment pas comparables. Là. Ils sont toutes vraiment différents. Dans Mario 3, c'est. Ok, ils attaquent pas de la même façon, mais. Je sais pas, là, le pattern était le même. À mon avis. Dans Megaman, il y avait plus de les boss avaient plus de personnalité, peut-être. Ben oui, absolument. Mmh. J'avoue que. Ils ont chacune une petite personnalité, tandis que dans les enfants, ça ressemble tout. Mis à part la fille, là. Autre chose, Marie? Oui, j'ai 4 Adam Kane 1 qui dit un petit fait que je trouve vraiment intéressant, que je savais pas, je sais pas si vous le saviez. Le créateur de Mario 3 a dit qu'il a honte de ce jeu-là et qu'il aurait dû faire de quoi de mieux que ça. Que ouais? Pas sûr, mais. J'ai effectivement déjà lu cet article-là, puis personnellement, je le trouve toujours ridicule, même aujourd'hui. Parce que c'est quand je pourrais dire ça. Écoutez, on vient d'en discuter, mais moi qui voulais être l'avocat du diable, j'ai pas vraiment trouvé de temps à faire que ça. À part que pour comme arriver à bosser à Mario 3, ils ont eu beaucoup d'influence sur les Mario précédents. Ils ont eu beaucoup de choses compris des Mario précédents pour aboutir à Mario 3. Non, Nintendo a pas d'affaire à avoir honte. Je pense qu'à ce moment-là, c'est plus aux fans de décider, au public de décider qu'aux créateurs. En effet. C'est comme si Peter Jackson arrivait demain matin et disait « Ouais, Lord of the Ring, ouais, c'est à chier, hein? J'aurais pas dû faire ça. » écoute, c'est mes films préférés en plus, là. C'est carrément ça qu'il fait, là. C'est pas comme moi, tu sais. C'est brillant, ça, Tester. C'est brillant comme analogie. Ben, c'est vrai, pareil. C'est vrai, pareil. Ou comme pour moi, maintenant J.K. Rowling arriverait. Oh, finalement, Harry Potter, c'était pas une si bonne idée que ça, hein, finalement. En fait, j'ai trouvé l'article qui parle de... Qui parle de... Non, Will Chest à Tester Alpha. Pas à Tester Alpha, à Retro, excuse. Oui, J'ai trouvé l'article en question, c'est pas Mario 3, c'est le premier Mario. C'est Miyamoto qui est embarrassé par Super Mario Brothers. Quand il repense à ça, il dit que c'est un jeu qui a fait un nom au genre de plateforme, puis qui a catapulté Nintendo au top, mais quand il la regarde tout ça, il dit que c'est pas mal. Quand il la regarde sur une TV HD, il dit que c'est pas mal. Ouais, mais là, c'est comparé des pommes et des oranges. Ah, juste. Mais faut dire que Miyamoto a déjà dit comme quoi que Donkey Kong Country, là, ça valait pas de la merde. Fait que là-dessus, je te dirais qu'il faut pas se fier à ce que lui peut dire des fois parce que c'est bel contrat qui peut arriver. Moi, j'adore Donkey Kong Country. C'est comme il dit si j'arrivais à le faire aujourd'hui, Super Mario Bros., je le ferais différemment, puis je changerais. Ouais, mais c'est normal, la technologie est différente. De un. Oui. Puis il y a eu des idées entre-temps qui a fait « Ah, j'aurais pu rajouter ça, tu sais. » Ça, ça arrive à dans tout et partout, là. Ouais. Je parle pour tout le monde aussi pour une fois, quand que je dis que même d'autres vidéastes, quand on fait des critiques, on se rend compte plus tard « Hey, j'aurais dû insérer ce fait-là » ou « Oh, j'aurais dû insérer cette joke-là dans ma vidéo. » Je suis sûr que on est toute la gang ici à se dire ça éventuellement. Je regarde mes premières vidéos que j'ai faites il y a 3 ans, là, puis « Ish! » Je vois la différence, hein. Je sais pas si vous... Allez voir, les accros, si jamais vous avez la chance d'aller voir mes premières vidéos, là. J'avais fait une sur Lord of the Rings. Puis, je vous avoue, là, que je pense en ce moment à refaire mes premières critiques tellement j'en suis découragé. Parce que je parle peu. Je vous montre des faits qui m'agacent, puis c'est tout. Fait que là, c'est dans mes projets. J'aimerais ça refaire mes vidéos à un moment donné. Autre chose, Marie? Oui, on parle du monde des géants, en fait, parce que on a Kevin Doré-Poudrier, puis on a TGS55 qui nous disent que dans Mario 64, puis dans Mario Galaxy 1 ou 2, il y avait un monde des géants. Dans Mario 64, je m'en rappelle pas. 64, non, je m'en rappelle pas non plus, mais c'est pas joué vraiment beaucoup. Là. Ça a pas dû me marquer s'il y en a un. C'est ça. Parce que Kevin dit que oui, dans 64, c'est le même, on passait de géant à miniature en entrant dans les tuyaux de nombre de fois qu'on veut, genre. Bizarre. Ah ben là, ça m'a vraiment pas marqué, moi. À ce moment-là, c'est un peu différent, là. Je veux dire, c'est pas. Tu demeures normal, puis là, paf, tu rentres dans un monde des géants qui est vraiment cool, là. Ouais. C'est vrai. À part ça. On a Serre 2011 compagnie qui dit Mario 3 très bien vieilli, même encore aujourd'hui, je rejoue encore Mario 3. Je pense que c'est pas mal la même chose pour tout le monde. Oui, tout à fait, oui. J'ai joué en fin de semaine. Puis on a Maxime Duclos qui dit si vous voulez savoir si un jeu est canon après 26 ans, comparez-le à ceux d'aujourd'hui. Puis s'il est encore capable de rivaliser, c'est qu'il est vraiment canon. Tout à fait, oui. Sérieusement, moi, c'est un jeu que je suis encore capable d'embarquer dessus puis de m'amuser. Il y a des jeux que j'adorais étant jeune que je suis plus capable de jouer, là. J'en connais une gang là-dedans, là, que je suis comme plus capable, là. Sinon, rapidement, on va regarder d'autres choses qui se disent. S'il vous plaît, il y a vraiment beaucoup de trucs. Il y en a beaucoup qui se disent sur YouTube. Oui, c'est vraiment cool. Allons-y. En ce moment, je suis en train de voir... Serre 2011 dit que pour juste un jeu sur NES, ça serait Megaman. Je dis, ouais, j'avoue. Ça pourrait être Megaman, comme Tester Alpha lui adore Megaman. Ça serait probablement Megaman qui amènerait. Oui, mais là, c'est toute la question de lequel des Megaman t'amène. T'en as 6. À toi de décider. C'est le 2 ou le 3. C'est dur choix, là. Le 2. Le 2 sans même y penser. Non. Maxime Duclos dit que pour lui, ça serait Zelda. Le ouais. Zelda le premier, non. Même personnellement, Metroid, je suis pas sûr que je choisirais Metroid au-dessus de Mario 3, parce que Metroid, même si c'était fait en 87, c'est quand même le fait que quand tu connais le jeu au complet, ben, tu peux le finir en, puis que tu veux faire le tour et tout est temps, tu peux le finir en moins de 2 heures. C'est moindrement assez bon. Je dois t'avouer que je l'ai jamais fini. Non, c'est pas, oui, c'est pas un jeu qui est forcément facile en tant que tel, mais ça, Ben, ça se peut que je t'y force quand on va se revoir la prochaine fois. Mon Ben! C'est fini! Sinon, passons rapidement, je pense que ça jase énormément. Et merci tout le monde de venir jaser avec nous autres. On va regarder rapidement, en gros, ce que le monde dit, des commentaires qu'on pourrait dire. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein, la gang. Ouais. On dit que dans Mario World, on pouvait voler des vies à l'autre personne. Oui, c'est vrai. Lorsqu'on jouait à 2 joueurs. Je me faisais voler mes vies par mon cousin. C'était vraiment le fun. Moi, c'était mon frère. C'est plus voulu pour être un système d'échange de vie, pour pas qu'on soit game over. Là. Effectivement, des fois, il y avait des petits vols qui se commettaient. Ça c'est comme dans le premier contrat, dans le fond. Mon premier contrat, oui, tu pouvais voler des vies aussi. Oh. Ouais, mon frère puis moi, ça aidait entre nous autres. Oui, le contrat, ça pourrait être un jeu pas pire à amener sur une île. Ouais, mais ce qui est plate, c'est que dès que tu le connais, tu peux plus... tu sais, t'as pas de variété de jeu, c'est ce que... Ben... Tu vois, à cette heure du monde, ils sont capables de faire le jeu complet en perdant pas de vie, fait que... Oh, je veux bien, mec. Quand tu le connais pas, là, quand... Hey, je l'ai rejoué récemment, là. Je te dis que quand t'as perdu à la main, Ouais, c'est assez tough, quelque hein? chose. Ah oui, il est tough, le jeu. Là. J'avoue. Quand tu utilises pas le fameux cheat, là, moi je le fais pas de cheat, là. Oh, c'est bon. Ouais, c'est avant, j'étais capable de faire comme ces gens-là, faire contrat, puis de finir pas de vie, là. Aujourd'hui, je serais pas capable de faire ça parce que ça se compte en année, la dernière fois que j'ai joué à contrat. Ben oui, c'était ça moi aussi. Fait que le par cœur n'est plus là. J'ai joué des milliers de jeux depuis ce temps-là, fait que le par cœur de contrat n'est plus là. Et puis je me suis acheté cet été le Contra Force, là. Celui qui vaut... Hardcore ou Hardcore? Je sais pas, là. Celui qui vaut... présentement, là. Le supposé Contra 3 sur la NES, qui est pas vraiment un Contra, là. Quelque chose de même, en tout cas, il est tough ce jeu-là. Là. T'as le choix entre 4 bonhommes, chaque bonhomme a des attaques différentes, puis aïe aïe aïe. C'est hardcore. Si vous pensez que Contra 1 c'est difficile, celui-là, c'est ouf. C'est vraiment quelque chose. Fait que ça, peut-être que je penserais amener ça parce que t'aurais du temps à passer sur ce jeu-là avant de le finir. On va regarder rapidement, il y a d'autres choses également. Moonwolf dit que la rare fois où on voit des boom boom. Non, des boom boom, on t'envoie également dans Mario 64. Les fameuses petites bombes. Ah, les bombes! Oui, les bombes, c'est vrai. Les bombes. Ceux qui se rappellent du film de Mario, ils sont là aussi. Pas, oui. Pas des bonbons, Marie, là. Des bobombes. C'est des bobombes, ça, je disais. C'est pas des bonbons. Des bobombes! Comme Marie, elle est en arrière en ce moment. Quand, lorsque vous allez voir sa caméra, là, elle a une bobombe qui est en arrière de elle. Ça, c'est des bonbons. OK. Ah, oui. Oui, on le voit. Fait que, non, c'est ça. C'est une des... Il y a d'autres moments aussi tu peux le voir. Il n'y a pas de problème. Sinon, à part ça, Mystorm dit que pour Zelda, le meilleur, c'est Link of the Past, Ocarina of Time et Majora's Mask. Je suis pas mal de la même avis que toi. On t'ostinera pas là-dessus. Là. Oh que non. Perso, j'ai hâte d'avoir des nouvelles sur quand est-ce que Majora's Mask va sortir sur la 3DS. Oui, ça. Oui, ça, hein. Puis il parlait l'emporter qu'il était pour le faire. Ben, ça a peut-être été débalancé par l'annonce de... Moi, je pense qu'ils ont plutôt dit, genre, ça c'est dans les projets, pas nécessairement qu'ils vont le faire. Peut-être. Sinon, on passe ça rapidement. Cara nous dit, par rapport aux enfants de Bowser, qui ont été adoptés, sauf Bowser Junior. Elle dit qu'elle savait pas que le royaume des champignons offrait l'adoption. Moi, je me demande où c'est qu'ils ont eu leur mère et leur père, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Tu vu avec le père qui est Bowser, si je peux comprendre qu'il a crissé son gant. Les enfants, peut-être. Mais ça, c'est très petit comme théorie, mais je la trouve drôle. Moi, de toute façon, je la trouve drôle. Parce que c'est trop absurde comme théorie. C'est que les enfants de Bowser, Wendy, Larry, Iggy, whatever, ça serait des clones. Ce serait des bandits sur du clonage. Ça fait pas avec Miyamoto. Ça fait pas avec Miyamoto. C'est absurde! Non, j'ai l'impression de voir le film, la suite du Super Mario Bros. 2 en film. Oh my god. On va revoir Bob Hoskin en Mario Bros. Là. J'espère voir Tester Alpha critiquer un jour. Ça serait tellement fun et drôle. Lequel ça? Le film de Mario Bros. Oh boy, ah ben moi je l'ai aimé là. Ben c'est parce que quand j'étais jeune, tu sais, un film de Mario Bros, c'était assez cool là. Tu l'as-tu écouté au moins? Si je l'ai réécouté? Ouais. Récemment, non. Regarde la face à Rétro en ce moment là. Oui, Rétro, c'est le divertisseur public là. C'est le facial, comme ça, ouais. C'est sa phase d'appréciation de Mario, ça? Je sens qu'on va voir la colère de Retro Gamer dans une prochaine critique! Non, je pense pas, moi. Oui, il n'y a pas de genre à se fâcher dans ses critiques. ça dépend. Mais j'irais pas me sacrifier au point d'aller réécouter ce film de merde. Oh boy, à ce point-là. À ce point-là. Ou ça pourrait être la critique de bêta. Non, je pense que j'aimerais jouer à Terminator sur SNES que ça. Si vous savez ce que je pense de Terminator SNES. Oh, mais ça. Ok, oui. On va prendre deux derniers commentaires, mettons, Marie, puis on va finir ça là. Sinon, à part ça, je vais regarder rapidement. Mario 3, ça 2011 dit que Mario 3 n'est pas le seul jeu que tout le monde aime en termes de jeu de plateforme. Il y a Mega Man 2 contre Sonic. Oui, c'est vrai. Totalement, on est d'accord avec toi là-dessus. Mm-hmm. C'est pas mal l'unique. Ben, je sais pas. Il y en a plein d'autres sur NES. Ça serait juste à savoir vos top 10 à vous autres, ce serait quoi là-dessus. Puis sinon, Kevin Poudrier dit que Fun Regarder Film en a fait la critique du film. Je vais aller regarder ça. De quoi? De café? De Super Mario Bros. Ok. Shit, il y en a qui sont courageux. Très courageux. Marie, toi, tu l'as déjà écouté ce film-là? Oui, puis une fois c'est en masse. Une fois trop. Ouais. Je pense l'écouter comme 2-3 fois, puis t'as trop fait un film comme. C'est pas Mario, ça? Une dizaine de fois, c'est parce que oui, il faut pas oublier que dans mon cas, et donc je n'ai pas le droit de dire publiquement. Moi, j'ai des parents ferme ta gueule, puis t'aimes ça. Et j'ai été comme ça avec aussi Super Mario Bros. Le film. D'accord. Avant de finir, avez-vous déjà écouté le film qui a fait de la promotion de Super Mario Bros. 3, qui est le fameux Enfant Génial? The Wizard. Ouais! Pour vous, est-ce que c'était l'argument pour jouer à Mario 3 ou non. C'est sûr que c'est un film qui présentait un marketing assez extraordinaire et qui a propulsé le jeu Mario 3, les ventes du jeu Mario 3 en Amérique. Et pourtant, et ça je veux votre avis, je ne pense pas que Nintendo avait vraiment besoin de s'acheter un spot, si vous voulez, plus tard à travers le film de Wizard. Je pense qu'ils auraient réussi à vendre leur jeu même à ça. Oui, j'ai vu le film après l'avoir acheté. Bon, déjà en partant. Moi, je pense que je l'ai écouté à super écran à l'époque. Fait que ma mère avait déjà la cassette, mais le film était sorti depuis un petit bout. Dans le temps où on avait le fameux 30 post 32 où on pouvait écouter super écran. Super écran. Et toi, Tester? Non, moi, je me souviens pas de ça. C'est bizarre que ça puisse paraître. Oui, ok. Je sais quoi t'envoyer à Noël. Bon. Là-dessus, ça conclut notre podcast des accros, le spécial Super Mario Bros. 3. Je vais commencer avec Marie-Lune. Comment on peut te contacter sur les internets? Il y a beaucoup, beaucoup de façons, mais je vais me contenter des façons accro des jeux. Yen, si on peut dire ça comme ça. On peut me rejoindre via Twitter à Terrien Marie-Ève. On peut me rejoindre via courriel à vlogdemarilune@commercial.gmail.com. On peut me rejoindre sur ma page Facebook de Marilune, qui est Marilune ADJ. On peut me rejoindre également sur la page officielle Facebook d'accrodesjeux.com et c'est sûr qu'on peut me rejoindre sur le forum d'accrodesjeux.com. Antithèse, comment peut-on rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur envoyer vos commentaires, vos critiques, vos vacheries et vos hate mail. Ou envoyez un message d'amour. antythes@yahoo.ca ou gmail.com. Sinon, suivez-moi sur Twitter et mes timagrées politiques et aussi d'autres jeux vidéo quand je décide de reprendre mon temps là-dessus ou quand vous voulez discuter avec moi sur les podcasts live, entre autres avec hashtag accro des jeux. Mon Twitter est le antithèse 16, S-A-Y-S à la fin. Mais je persiste à vous mentionner que la meilleure façon de me contacter, de me parler, c'est sur le forum desaccrodesjeux.com. Alors, Tester Alpha, comment on te rejoint sur les internets pendant que notre cher rétro gamer retrouve sa voix? Vous tapez Tester Alpha soit dans Google, soit dans Twitter, soit dans YouTube, soit dans Facebook, puis vous allez réussir à me trouver. Sinon, évidemment, je fais mon tour quotidiennement sur le site des accros des jeux. Et d'ailleurs, venez visiter le site bientôt parce que cette semaine, j'ai une compilation de bloopers Tester Alpha qui s'en vient. Donc, si vous voulez voir ça, venez sur le site des accros des jeux. Retro Gamer PQ, comment on peut te rejoindre sur les internets? Toujours sur le site d'accrodesjeux.com et sur la page Facebook de Retro Gamer PQ. Et puis, je serai de retour live. Non, pas live, là, mais le 15 mai. On a hâte. Oui, je pense que les fans ont hâte de te voir ressourcés et prêts à affronter de nouveaux défis. De mon côté, si vous voulez me contacter, il y a plusieurs façons. Je m'occupe de tous les comptes officiels des accros des jeux, donc l'accrodesjeux @commercial.gmail.com pour m'envoyer un courriel, @commercial_accrodesjeux sur Twitter. Si vous allez sur Facebook, il y a le groupe des accros des jeux également. Allez liker, on est 224, alors venez nous grossir la popularité des accros. Sinon, le forum des accros, c'est le meilleur moyen de pouvoir me contacter et contacter la plupart des membres que vous voyez à l'écran ou dans votre baladeur. Et également, si vous avez iTunes, allez vous abonner au podcast des accros des jeux. Lorsque le podcast est fini et il est en audio, vous allez l'avoir automatiquement dans votre iPod. Alors, n'oubliez pas d'aller aimer ça. Et également, si vous êtes sur YouTube, vous abonner à mes vidéos. Il y a une vidéo qui sort cette semaine où je vous parle de mes souvenirs de Zelda. Alors, je vous en dis pas plus. Et là-dessus, j'espère que vous allez avoir passer voir notre site des accros des jeux. Beaucoup de nouveautés s'en viennent prochainement. C'était le Big Ben. Antithèse. Rétro Gamer PQ. Marie-Lune. Et Tester Alpha. Pour le podcast des accros, l'édition du 29 avril. Merci tout le monde. À la prochaine. Bye! Bye.